Un brave projet qui avorte. Je m'efforce de faire en sorte que mon parcours soit à sans faute. Et je veux qu'on m'écoute, pas qu'on m'ignore, qu'on s'en fout. J'ai besoin de prier, suivre un chemin sans vacille, ne pas finir aux oubliettes. Je suis là pour t'oublier. Je suis un fou allié, lié à la musique. J'ai un aliéné, poétique et frénétique. Un alien est né dans la frénésie musicale. Un talent inné m'a fait fabriquer des disques. Rien ne peut me stopper, je puise mon énergie dans une musique émergente, cette synergie créée par mes rimes, mes basses rythmiques et mes notes. Sans oublier mon flow, les histoires que j'aime narrer. Je suis attaché au hip-hop. Mais je peux pas m'en séparer. De l'acier et du titane forment l'alliage de mes menottes. Même si tu t'y fais pas, tu devras bien t'y préparer. L'alliance est indestructible, c'est ce que mon esprit dénote. Amoureux de la rime, des voyelles et des consonnes. Au style, au cliché, je frappe violemment des consoles. Le gong, je combat, t'es l'imputable de samouraï. L'arme fatale du rap qui pense m'arrêter mourra. Je suis prêt à affronter le rap qui pense pouvoir m'arrêter mourra. M-U-G-E-L, mec, c'est ça. Rapper, tu sais que c'est fait pour moi. Je suis prêt à t'assaillir, même si je deviens mourir. Jamais je pourrais faillir. Et je suis un putain de freestyler. Si si, la technique et le flow pour embellir l'instru. Je m'incruse dans le hip hop comme un putain d'intrus. Si tu me crois une apte à percer, je vais dire un truc. Un truc. Oh là là. Désolé, j'avais plus de rime. Je suis cerné par des rivaux, tous bernés par mon niveau. R.A.P. enivrant, de l'alcool pour les ivres. Pratique incessante, de janvier à décembre. Prison pour me descendre, la mèche renaît de mes sangs. Comme un phénix immortel qui ne cesse de s'instruire. Un édifice artistique ne cesse de se construire. L'entraînement porte ses fruits, je ne suis pas là pour bruit. Tout un tas d'inepties, juste pour faire du bruit. L'ami, bien des fois le doute de mes fleurs. Mais dans mon jardin de rimes, je prends soin de toutes mes fleurs. J'ai jamais peur de perdre, je provoque des rires et des pleurs. Ce que je déploie, c'est de l'or, force un rave, je déplore. Je veux faire plus que la musique et des émotions intenses. Que ma poésie soit belle, que mes mots aient un sens. Bouger ta tête ne suffit pas, il me faut plus que ça. J'en profite car comme talent, je n'ai que ça. Un mic en titane, comme le bras de full metal. Dis-moi qui peut me stomper, aujourd'hui personne ne m'étonne. Invincible, irascible, pas même Mike Tyson ne m'étale. Car si un pain pèse des kilos, un impact, les mots pèsent des tonnes. Je suis prêt à affronter le rap qui pense pouvoir m'arrêter. Mourra, M-U-G-E-L, mec, c'est ça. Rapper, tu sais que c'est fait pour moi. Je suis prêt à t'assaillir, même si je deviens mourir petit. Jamais je ne pourrais faillir. Et je suis un putain de freestyler. Si, si. Yeah.